بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا يا الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini dans cette collaboration avec les frères de Montpellier du collectif للعلم والرحمة pour le savoir et la miséricorde. مرحبا بكم جميعا. Dans cette assise dans laquelle nous sommes toujours en train de profiter dans le sujet de la croyance, le sujet du dogme, de la foi du musulman, dans l'épître Thalathatul Usul, l'épître Les trois principes fondamentaux. Et nous sommes toujours en train de bénéficier de ce livre-là à travers les explications du grand savant, le défunt cheikh Abu Abdelaziz, Ubayd ibn Abdillah ibn Suleyman ibn Ali al-Jabiri al-Hamdani rahimahullah, parmi les grands savants de la ville de Médine, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avions vu une liste d'adoration. Une liste d'adoration qui était une liste qui n'était pas exhaustive. On avait vu, barakallahu fikum, que la liste d'adoration qui était mentionnée par l'auteur, rahmatullah alayh, n'était pas une liste exhaustive. C'est-à-dire que dans la liste d'adoration qui a été mentionnée, il n'a pas été mentionné l'ensemble des adorations qui existent en islam. Mais c'est une liste de certaines adorations. Et on avait tiré comme enseignement bénéfique que le da'i, le prédicateur, comme notre cheikh Khalid al-Dhafiri l'a mentionné, ceci montre que le prédicateur doit prendre en compte les problèmes de sa société. De la société dans laquelle il réside, il doit essayer de remédier aux problématiques de sa société, de sa communauté, de ceux qui vivent avec lui. Et donc, cher à l'islam Mohammed al-Tamimi, en ayant choisi ces adorations bien spécifiques, il a voulu remédier à un problème. Le fait que ces adorations-là étaient des adorations qui étaient souvent vouées à autre qu'Allah. C'est-à-dire qu'il y avait du shirk qui était accompli dans ces adorations-là. Et donc, on avait vu, donc, parmi elles, Ad-Dua. Et donc, on va voir la suivante, Al-Khawf. Donc, le Musannif, l'auteur, rahimahullah, dit « وَدَلِلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعْلَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » Surat Ali Imran, le verset 175. C'est-à-dire « Et n'ayez pas peur d'eux, mais plutôt ayez peur de moi, si véritablement vous êtes du nombre des croyants. » Cheikh Ubayd al-Jabari explique « Qu'est-ce que c'est Al-Khawf ?» Al-Khawf, on pourrait le traduire par la peur. Il dit « وَشِدَّةُ الْخَشْيَةُ وَالْحَذَرُ » Donc il dit, c'est le fait d'avoir une crainte intense et de redouter quelque chose. Il dit, وَهَذِهِ الْآيَةِ Il fait référence donc au verset qui a été mentionné par l'auteur. Il dit, وَهَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ بَعْدَ أُحُدْ Elle fut révélée après la bataille de Uhud. كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِرِينَ Comme ceci a été affirmé par plus d'un parmi les savants spécialistes de l'explication des sens des versets du Coran. حَيْنَمَا قَالَ الْقَائِلْ إِنَّ قُرَيْشِ يَعُدُّونَ لَكُمُ الْعُدَّةَ لِتَسْتَأْسِلَ شَفَاتَكُمْ C'est-à-dire que ce verset a été révélé suite au fait que quelqu'un a dit aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certes le peuple de Quraysh sont en train de se préparer pour vous anéantir. En fait, il leur a dit une parole qui cherchait peut-être à susciter la peur en eux, c'est-à-dire les faire douter ou susciter la peur, créer une faiblesse chez eux, en leur disant que vos ennemis, le peuple de Quraysh, sont en train de se préparer pour vous anéantir. Il y en a pour vous réduire à néant tous. فَقَالَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَ Et donc Allah a révélé par rapport à cela, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ Ce n'est que le diable, c'est certes le diable qui cherche à vous faire redouter ses alliés. اَيْ يُخَوِّفَكُمْ أَوْلِيَاءَهُ C'est-à-dire qu'il essaie de vous faire peur de ceux qui sont ses partisans. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Donc n'ayez pas peur d'eux, mais ayez plutôt peur de moi si véritablement vous êtes croyants. Et donc Cheikh Ubayd commente ce verset en disant أَخْبَرَ عَزَ وَجَلْ أَنَّ مُخَافَتَهُ وَحْدَهُ شَرْطٌ فِي الْإِيمَانِ Donc le Cheikh, il explique que donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous fait savoir que le fait de n'avoir peur que de lui est une condition de validité de ta foi, de n'avoir peur que d'Allah. Bien entendu, on va voir qu'il y a différentes formes de peur. Non, mais il y a différentes formes de peur. Et il dit donc wa khafuni in kuntum mu'minin et ayez peur de moi si vous êtes véritablement croyant. Wa ma'na dhalik et le sens de ce verset c'est annakum idha lam takhafuni falastum bimu'minin. C'est-à-dire dans le sens de ce verset, on comprend que si vous n'avez pas peur de moi, vous n'êtes pas du nombre des croyants. Il dit wal khawf thalathatu anwa' et la peur est de trois catégories, de trois sortes. Il dit « Awwal al-awwal, khawf al-sir. وهو خوف الإنسان من وثن أو جني أن يصيبه بمكروه. Donc ça c'est la peur intense, une peur qui est transcendante, qui est secrète au fond du cœur de l'être humain, qui est la peur que l'être humain pourra avoir d'une idole. Il y a des gens, ils ont peur des idoles. حقيقةً, ils ont une vraie peur des idoles. Ou une peur des djinns. Ou la peur, yani, du fait que cette créature ou cette entité te touche par un mal. Et c'est une peur qui est une peur transcendante, c'est-à-dire c'est une peur très intense, qui est une peur similaire à la peur que l'on éprouve vis-à-vis d'Allah, ou voire supérieure à la peur que l'on éprouve vis-à-vis d'Allah. وكذلك خوفهم من الأوثان والمعبودات من الأصنام والجن أن تصيبه بمكروه. Il y en a également la peur que les gens ont peur envers les idoles ou les objets qu'ils ont pris comme objets d'adoration, parmi les idoles, les statues ou les djinns, qu'ils les touchent par un mal. هذا شرك أكبر. Le fait d'éprouver cette peur, qui est une peur aussi intense que la peur ou supérieure à la peur que l'on éprouve vis-à-vis d'Allah, le fait d'éprouver cela à l'égard d'une statue, d'une idole, d'un djinn ou d'une créature, ceci est une forme de polythéisme majeur. لأنه علق قلبه بغير الله, car son cœur s'est attaché à autre qu'Allah. وهدم أحد مقامات العبادة, et a anéanti un des éléments fondamentaux de la ibada. À quoi fait allusion le cheikh ici? Il fait allusion aux trois émotions qui sont toujours présentes dans le cœur de l'être humain lorsqu'il adore Allah. C'est-à-dire que lorsque l'être humain adore Allah, on avait vu dans le cours précédent, il y a trois émotions qui sont toujours avec lui, qui pousse son cœur et qui le motive à l'adoration d'Allah et qui sont présentes lorsqu'il adore Allah. Premièrement l'amour, deuxièmement la peur et troisièmement l'espoir. Et ceci fait partie du quotidien du musulman. En effet, lorsque tu fais une bonne action, qu'est-ce que tu espères d'Allah? Tu le fais par amour envers Allah et qu'est-ce que tu espères d'Allah? Qu'elle soit acceptée. Qu'est-ce que tu redoutes d'Allah? Tu as peur qu'Allah la rejette. Yani qu'Allah n'accepte pas ton œuvre. Quand tu fais un péché, tu demandes pardon à Allah et tu espères qu'Allah va te pardonner. Et tu redoutes le fait qu'Allah te châtie. Et on avait expliqué que l'exagération dans ces deux émotions que sont la peur et l'espoir mène à des grands péchés. C'est-à-dire, celui qui a exagéré dans l'espoir, c'est-à-dire que son espoir domine sa peur. Lui, si son espoir domine sa peur, ça va le pousser dans ce qu'on appelle al-amnu min makrillah, c'est-à-dire le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Parmi les manifestations de cela, le fait que les gens de Sion sont donnés comme exemple, par exemple, le fait que la personne fasse beaucoup de péchés, elle continue dans les péchés, elle dit Allah il est grand pardonneur, Allah il est très miséricordieux, Allah il va me pardonner. Il pêche, il ne se repent pas. C'est pas quelqu'un qui pêche, il se repent, il pêche, il se repent. Ça, c'est un autre cas. On parle de quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, il continue les péchés, il continue les péchés, mais il se repose sur le fait qu'Allah est grand pardonneur, très miséricordieux et qu'Allah pardonne les péchés. Lui, il est peut-être l'objet du stratagème d'Allah Azzajal contre lui. Non. Et donc inversement, si la personne domine dans sa peur qu'il a d'Allah, mais de façon exacerbée, à tel point que ça outrepasse largement son espoir, ça peut le pousser à tomber dans un autre grand péché, qui est al-qunut min rahmatillah, le fait de désespérer la miséricorde d'Allah. On entend certains pécheurs et disent, je suis allé trop loin, j'ai fait trop de haram, Allah il me pardonnera jamais. Là, tant que tu te repens, Allah il pardonne tous les péchés. Tant que tu, même le shirk, le kufr akbar, ce que quoi que tu as fait, si tu respectes les conditions de la tawbah, Allah te pardonnera. Non, Allah te pardonnera. Et ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabri, il fait référence ici donc à la peur, qui est donc un des trois éléments fondamentaux de l'adoration, qui est donc la peur, l'amour, l'espoir. Et Cheikh al-Islam al-Qayyim, comme on l'avait mentionné dans son livre Madarij al-Salikin, avait dit que ces trois émotions sont pour le serviteur comme un oiseau, à l'image d'un oiseau dont la tête est l'amour et dont les ailes sont la peur et l'espoir. Je reviens au propos du shirk. Donc on a vu la première catégorie de peur. Deuxième, tarkuhu al-wajibat khawfan min an-nas. Le fait de renoncer à des actes d'adoration qui sont obligatoires par peur des gens. Il dit wa la yadkhulu fi hadha darul mafsada aw fardul kifaya alladhi idha qama bihi ba'du an-nas saqata al-ithmu 'an al-akharin. Donc il dit ne rentre pas dans cet interdit là. Le fait de vouloir agir de façon à repousser un méfait qui t'atteindrait. Ou le fait de... Yani, ce qui est relatif à une obligation collective. Délaisser une obligation collective. L'obligation collective, qu'est-ce que c'est? Il l'a défini lui-même. Il a dit « Alladhi idha qama bihi al-ba'du an-nasi saqata al-ithmu 'an al-akharin. » Dans les obligations en islam, il y en a deux catégories. L'obligation individuelle, l'obligation collective. Quelle est la différence? L'obligation individuelle, c'est-à-dire c'est ce que tout à chacun d'entre vous doit faire. Par exemple, la salah. Est-ce que ton voisin il peut faire le dhuhr à ta place? Là, tu es redevable de dhuhr, toi. Et il est redevable de dhuhr, lui. Ça, c'est une obligation individuelle. L'obligation collective, c'est une obligation qui pèse à la collectivité. Maintenant, si à Montpellier, il y a un individu parmi les membres de la communauté musulmane, un musulman qui décède, il est obligatoire qu'au moins un Montpelliérain prie sur lui. S'il va être enterré justement à Montpellier, il faut qu'il y ait quelqu'un à Montpellier qui s'en occupe. Si un individu au moins a prié sur lui, c'est-à-dire qu'il a été lavé selon le rite musulman, il y a eu la prière janaza, etc., il a été enterré dignement, l'obligation a été concrétisée. Mais si personne ne s'en occupe, personne ne fait la prière de la salat al-janaza sur lui, il est enterré comme ça. La communauté montpelliéraine, du moins les gens qui étaient au courant de son décès, sont porteurs d'un péché. Donc, Cheikh Obed al-Jabiri donc, explique que donc, ces choses-là ne sont pas concernées par l'interdiction. Dans ce qu'il vise. Il dit, là, ce qu'il vise, c'est « tarkul wajibat khawfan minan nas », il y en a dans la peur qui suscite le délaissement des obligations. Ce qu'il vise, en fait, c'est « walakin wajibun yata'ayyana alayhi fayatrukuhu wa yatanassalu min ». C'est-à-dire que là, ce qu'il visait dans ce qu'il vise comme étant interdit, c'est lorsque l'individu, il s'agit d'une adoration qui le concerne spécifiquement lui, c'est-à-dire une obligation individuelle qui le concerne lui, dont il est redevable lui, il la délaisse et il s'en désavoue, il s'en écarte, il ne l'accomplit pas, il abandonne cette adoration par peur des gens. Et il y a une différence entre renoncer à une adoration qui t'incombe et la retarder. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, une personne peut être amenée à retarder une adoration qui lui incombe individuellement, c'est-à-dire qu'il est redevable de cette ibada, il ne l'abandonne pas, mais par souci par rapport à ce qui pourrait survenir de la part des gens, il retarde cette adoration. C'est permis. Maintenant, imaginons par exemple quelqu'un, il a des problèmes avec son patron il l'empêche de prier à l'heure. Par exemple. Et lui, il ne peut pas prier à la salat al-asr, maintenant, au début de son heure. Mais donc, il doit la retarder de 30 minutes pour pouvoir prier sur le parking. Il retarde de 30 minutes. Ça ne rentre pas dans le péché, ça. Ça ne rentre pas dans le péché. Sachant que la prière al-asr, elle a un créneau. Elle a un créneau qui s'étend jusqu'à le coucher du soleil. Après, il y a une heure dans laquelle on ne doit pas prier. À la base, on doit faire en sorte de ne jamais prier dans ce moment-là. C'est entre quand le soleil devient orange et le coucher du soleil. Ça, c'est waqt ad-darura. C'est un waqt dans lequel, à la base, on n'est pas censé se retrouver dans ce moment-là pour prier. Il n'est pas, il ne s'y est pas d'un musulman de retarder la prière jusqu'à ce moment-là. Mais s'il y est contraint par rapport à un besoin, une nécessité où il a eu un empêchement, falabas. Salatuhu sahiha. Sa prière, elle est valide. Non, parce que des fois, certaines personnes, elles retardent la prière et jusqu'à se retrouver, par exemple, dans une situation où elles prient une raka de asr dans son heure et les trois autres raka dans l'heure de maghrib. C'est quoi le jugement de cette prière? Salatuhu sahiha. Sa prière, elle est valide. Cependant, s'il a été contraint, parce qu'il a été empêché de prier, il est dans une circonstance où il n'avait pas eu le choix, il s'est retrouvé à faire ça malgré lui, il n'a pas eu le choix, sa prière est valide, il n'a pas de péché. Si par contre, il a retardé volontairement la prière alors qu'il n'était pas dans une situation où il est excusé de le faire et qu'il retarde la prière jusqu'à ce qu'il n'ait prié qu'une raka dans l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait une raka dans l'heure, sa prière elle est considérée comme étant dans l'heure. Cependant, celui qui a fait exprès de retarder la prière jusqu'à ce moment-là et pris une unité de asr dans l'heure de l'asr et les trois autres unités dans l'heure de maghrib, salatuhu sahiha wa huwa athimun. Sa prière est valide, mais il est pécheur. Il est porteur d'un péché. Non. La troisième catégorie de peur que Cheikh Obed al-Jabiri aborde, il dit « al-khawf al-tabi'i », c'est-à-dire la peur naturelle, la peur qui est instinctive, la peur qui est intrinsèque à l'être humain. On a naturellement ce genre de peur. Il dit « wa huwa alladhi jubila alayhi an-nas » ou « jumhur an-nas ». C'est-à-dire c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain. La majorité de l'humanité ou l'ensemble des êtres humains, ils ont ça naturellement en eux. C'est-à-dire cette peur-là qui est naturelle. Il dit « wa huwa khawf al-insan min adu muhaqqiq ». C'est-à-dire que c'est la peur que l'on éprouve par rapport à un ennemi dont le caractère yani, nocif est réel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a constaté, sur lequel on est sûr. C'est-à-dire, c'est pas tu redoutes quelqu'un, yani, tu te fais des films. Là, c'est pas tu t'imagines des choses. C'est que tu redoutes un ennemi qui est vraiment potentiellement en capacité de te nuire. Il a des capacités réelles, constatables ou constatées. Non. Non, et comme par exemple, certains machères, ils donnent l'exemple avec la peur du serpent. Quand il y a un matalan, qu'Allah vous en préserve, mais vous êtes là dans la salle, il y a un lion qui passe dans le couloir. Qui d'entre vous va dire, non, moi j'ai peur de rien, j'ai pas peur de lui. Là, tout le monde va commencer à prendre une chaise, une table, quelque chose pour se défendre. C'est naturel. Là-bas, ça c'est pas quelque chose sur lequel on est blâmable ou c'est dans l'ordre du péché. C'est tabiaï. C'est instinctif, c'est naturel. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabri, il donne un exemple aussi. Il dit Wa yatakhaf, min suluk al-tariq, comme le fait que, par exemple, quelqu'un il ait peur d'emprunter un chemin particulier à cause d'un voleur. Parce que ce chemin, il est connu qu'il est fréquenté par des voleurs ou un voleur. Ou parce que, par exemple, c'est un endroit qui est abandonné. C'est-à-dire, c'est un chemin que plus personne n'emprunte. C'est un chemin abandonné. Naam. Wa yakhsha atanqati' sayaratuhu wa tata'attal. Donc, en fait, en gros, il a peur que sa voiture, elle le lâche. C'est-à-dire que ce chemin, c'est un chemin qui est abandonné. Personne ne circule dessus. Il a peur qu'en empruntant ce chemin-là, sa voiture, elle tombe en panne, par exemple. Yani fayaqul, la aslukuhu hada makhouf. Il dit, Yani, ça me fait peur. Je ne veux pas emprunter ce chemin-là. Il dit, لو تعطلت سيارته يغلب على ظنه أنه لا يسعفه أحد. Il est quasi sûr que si jamais il empruntait ce chemin-là et qu'il tombait en panne avec sa voiture, il n'y a personne qui pourrait venir l'aider parce que personne ne le verrait sur le chemin parce que personne n'emprunte ce chemin-là. Il dit, هذا من اتخاذ الأسباب. Il dit ça, en vérité, ce n'est pas quelque chose de blâmable et ça rentre dans le fait de prendre ses précautions, de faire les causes afin de ne pas se retrouver dans une situation problématique. Et cette peur-là, il n'y a pas de problème. Certains gens de science rajoutent une quatrième catégorie. Et donc je rajoute une catégorie qui est une catégorie que notre cher Cheikh Khalid al-Dhafiri a mentionnée dans son éducation de Thalathat al-Usul, c'est Khawf al-Jabbana. C'est-à-dire, ça c'est une peur qui est une peur qui n'est pas du shirk, c'est pas de l'ordre du péché, mais c'est une peur qui est madhmouma. Yani c'est quelque chose qui est madhmoum. C'est-à-dire la peur des peureux. C'est-à-dire quand des fois tu as peur de quelque chose, il y a la peur naturelle, c'est une peur que personne ne va te blâmer. Si par exemple il y a eu un lion et que tu t'es mis à courir, personne va dire ah, t'es un peureux, tu as fui du lion. Tout le monde il va fuir du lion. Mais par contre, il y a une peur, c'est la peur des peureux. C'est-à-dire c'est une peur que ressentent certaines personnes, mais c'est une peur qui est blâmable chez les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un, on sait qu'il a peur de ça, on dit, mais toi, tu as la peur des enfants, toi. Il a dit, par exemple, c'est une peur d'être peureux. T'as vu, ça, c'est une peur qui est blâmable. C'est pas de l'ordre du péché, c'est quelque chose qui décrédibilise et ternit la réputation de l'individu. Mais donc, ce qui doit être retenu, c'est qu'il faut impérativement se mettre à l'écart du fait d'avoir une peur à l'égard d'une créature et d'une entité qui serait similaire à la peur qu'on éprouve vis-à-vis d'Allah. Parce que ça, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk. Non. Certaines personnes, notamment dans les sectes soufis, etc., ils ont plus peur de leur cher soufi, des fois parmi les morts. Il est mort. Il le redoute plus qu'il ne redoute Allah. Ça, c'est du shirk akbar. Yukhrij sahibahu min al-millah. Celui qui se rend coupable est expulsé de la religion de par cela. Sachant que quelle qu'en soit la peur que tu éprouves envers une créature, cette créature est comme toi, c'est-à-dire qu'elle a été créée par le Créateur. Pourquoi redouter une créature alors que cette créature, elle craint, elle doit avoir peur du Créateur aussi? Sachant que si Allah veut te faire toucher par un mal, si Allah veut te châtier, aucune créature ne pourra te protéger d'Allah. Par contre, si l'ensemble des créatures veulent s'en prendre à toi et qu'Allah ne veut pas que cela arrive et qu'Allah veut te protéger, nul ne pourra te toucher. Donc en vérité, qui est, de façon logique, on a les textes qui le prouvent, mais même la logique, de qui devrait-on avoir peur réellement? Allah. Car Allah est omnipotent. Les créatures, elles ne le sont pas. Non. On aborde l'adoration suivante. Ar-Raja. Donc, il dit, donc l'auteur, rahimahullah, mentionne une autre adoration. On a vu Ad-Dua, l'invocation, Al-Khawf, à présent Ar-Raja, l'espoir. On avait dit que ça faisait partie des trois, l'amour, l'espoir, la peur. Taïb, donc, Ad-Dalil al-Raja, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc, c'est-à-dire, et qui, c'est le verset de Sourate Al-Kahf, le verset 110. Donc, et quiconque croit fermement en la rencontre avec son Seigneur, alors qu'il œuvre pieusement et qu'il ne donne aucun associé à son Seigneur dans son adoration. Il dit Ar-Raja, qu'est-ce que c'est? Ahadu maqamat al-ibada. Donc ça fait partie des éléments fondamentaux liés à l'adoration. On avait dit c'est la peur, l'amour, l'espoir. Il dit wa huwa amalul insani fi rahmatillah. C'est l'espoir que l'individu a, yani l'espoir qu'il a vis-à-vis du fait de bénéficier de la miséricorde d'Allah, wa afwihi et de son pardon. Wal jam'u bayna al-khawfi war-raja mutahattamun 'ala al-'abd. Et le fait de joindre, c'est-à-dire que le serviteur joigne dans son cœur entre la peur et l'espoir, c'est quelque chose qui lui est obligatoire. Il dit يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء. Il lui incombe inéluctablement, il lui est obligatoire de joindre entre le fait d'avoir peur d'Allah et d'avoir espoir vis-à-vis d'Allah. Il dit أن يخاف من الله ويرجو, qu'il ait peur d'Allah et qu'il ait espoir en lui. نعم. يطمع لأن الرجاء يطمع في رحمة الله. Car le fait d'avoir de l'espoir, ça va te faire désirer, convoiter, espérer le fait de bénéficier de la miséricorde d'Allah. والخوف يردع عن مغاضب الله. Et le fait d'avoir peur d'Allah, ça va t'écarter ou ça va te repousser du fait d'accomplir ce qui suscite la colère d'Allah عزّ وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم, et c'est pour cela que certains parmi les gens de science ont dit, الخوف والرجاء جناحان للعبد. C'est-à-dire que certains gens de science ont dit que الخوف والرجاء, la peur et l'espoir, ce sont les ailes du serviteur. Ce sont les deux ailes du serviteur. À l'image d'un oiseau, comme je l'avais mentionné précédemment. Il dit والآية الكريمة, et le noble verset qui mentionne فمن كان يرجو لقاء ربه, c'est-à-dire quiconque espère donc en la rencontre avec son Seigneur, يؤمل لقاء الله, il espère la, yani il a espoir vis-à-vis de la rencontre d'Allah, ويطمع يعني, et il désire cela, فإن هذا الطمع لا يكفي, cependant le fait de désirer la rencontre avec Allah عز وجل, ceci n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut en plus? بل, il mentionne la suite du verset, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربه أحدا. Alors qu'il œuvre pieusement, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il ne donne aucun associé à son Seigneur dans son adoration. Il dit إذن في الآية دليل على وجوب العمل الصالح. Il y a dans ce verset une preuve quant à l'obligation d'accomplir des œuvres pieuses. Il dit فليعمل عملا صالحا. Il dit donc le sens du verset qui mentionne, يعني qu'il œuvre pieusement, qu'il fasse de bonnes œuvres. Il dit نعني بالعمل الصالح كل ما يقرب إلى الله فردا كان أو مندوبا. Il dit donc ce qui est voulu par le terme œuvre pieuse, c'est tout ce qui va te rapprocher d'Allah, que ce soit une adoration dont l'accomplissement est une obligation ou une adoration dont l'accomplissement est de l'ordre de la recommandation. C'est-à-dire si tu le fais, alhamdulillah, tu es récompensé inchallah, c'est mustahab, c'est recommandé, et si tu le délaisses, tu n'es pas pécheur, tu ne risques pas de la part d'Allah un châtiment. Il dit فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Il répète le verset dans lequel Allah عز وجل a dit selon le sens en français qu'il accomplisse de bonnes œuvres, qu'il œuvre pieusement et qu'il ne donne aucun associé à son Seigneur dans son adoration. Il dit دليل الاستعداد للقاء الله عز وجل عمل الصالح. Donc il y a la preuve que on se prépare à la rencontre avec Allah avec des œuvres pieuses. يعني عمل الصالحات, des œuvres pieuses الخالصة. C'est-à-dire qu'ils sont purement voués à Allah, de façon exclusive. Ils sont purs, dénués de toute forme de shirk. Il dit « وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » C'est-à-dire le verset qui mentionne « et il ne donne aucun associé à son Seigneur ». Il dit « سَوَاءً كَانَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ وَهَذَا مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ » Il dit qu'on ne donne aucun associé à Allah, que ce soit un associationnisme majeur, c'est-à-dire du polythéisme majeur, qui expulse celui qui se rend coupable de la religion de l'islam, ou asrar, ou que ce soit une forme mineure de polythéisme, ou hada yunafi kamal at-tawhid. Ceci n'anéantit pas le tawhid du serviteur, mais l'amoindrit, l'affaiblit. Ça atteint la concrétisation de son tawhid. C'est-à-dire qu'il est min al-muwahidin, parmi les gens du monothéisme, mais son monothéisme est déficient, comme dans la foi. Non, sa foi est déficiente. Ceci porte atteinte à sa foi. Tayyib. Donc, en gros, on peut le présenter d'une autre manière. Je récapitule un peu ce qu'on vient de voir avec une présentation de Cheikhouna Cheikh Khalid Adhafiri. Cheikhouna Cheikh Khalid Adhafiri, dans son explication de Thalathat al-Usul, avait expliqué qu'en gros, il y a deux types d'espoir. L'espoir qui est blâmable et l'espoir qui est louable. L'espoir qui est blâmable, ça va être par exemple que la personne, elle dit que j'ai espoir qu'Allah va me pardonner, qu'Allah va me donner le tawfiq, mais il ne fait aucune cause pour ça. Il fait plein de péchés, il ne fait pas les obligations, il fait du haram tout le temps. Et il dit j'ai espoir en Allah. J'espère qu'Allah va me pardonner, j'espère qu'Allah va me guider. Lui, il est dans un espoir qui est madhmoum. C'est-à-dire une forme d'espoir qui est blâmable. Parce que l'espoir qui est munasib, l'espoir qui est louable et qui convient et qui sied, c'est le fait que tu espères la miséricorde d'Allah et que tu fasses les causes pour l'obtenir. Et que tu espères qu'Allah va te pardonner tes péchés et que tu fasses les causes pour les délaisser. C'est pas juste tu fais rien, tu fais tout ce qu'Allah veut pas, tout ce qu'Allah n'aime pas, tout ce qui provoque la colère d'Allah et tu espères qu'il va te pardonner. Ça c'est madhmou. Ça c'est blâmable. Non. Donc ensuite, at-tawakkul. At-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah azza wa jalla. Donc qala al-musannifu rahimahullah ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Donc, il a mentionné deux versets. Le premier verset est de Surat Al-Ma'ida, le verset 23, et le deuxième verset est de Surat Talaq, le verset 3. Et donc, ces deux versets sont dans le sujet du tawakkul, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit وَدَلِلُ التَوَكُّلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Donc, c'est en Allah en qui vous devez placer votre confiance si vous êtes véritablement, si vous êtes des croyants. Et l'autre verset وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah lui est suffisant. Yani Allah est son garant. C'est-à-dire qu'Allah lui suffit comme garant. Cheikh Ubayd al-Jabri dit At-tawakkul lughatan at-tafwid. Donc là, dans la linguistique, le terme tawakkul, ça renvoie au tafwid. Le tafwid, c'est le fait de déléguer, de remettre une tâche, de confier une responsabilité de quelque chose à quelqu'un. C'est remettre ou confier une responsabilité à quelqu'un. Il dit Wakkalahu idha fawadahu. Il dit donc, c'est le fait de déléguer quelqu'un afin qu'il fasse quelque chose pour nous, par exemple. « Wakaltu fulanan ». Par exemple, la racine de ça se retrouve dans le fait de dire « Wakaltu fulan », c'est-à-dire « J'ai délégué quelqu'un à une tâche ». Il dit « Fawattuhu fil amr », c'est-à-dire « Je l'ai délégué à cette affaire, afin qu'il se charge de cette affaire-là ».« Walwikala hiya ja'lu l'insan na'iban mufawwidan anhu fima yakhussuh ». Donc, al-wikala, ne pas confondre al-tawakul ou al-wikala. Non, parce que al-tawakul, dans sa forme telle que c'est décrit dans les textes, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Mais par contre, un être humain, ça va être le fait de lui confier par une responsabilité par ce qu'on appelle al-wikala. Tu dis pas tawakkaltu yani ala fulan. Tu peux pas dire ça. C'est ala Allah, faqat. Par contre, à l'individu, tu peux dire qu'avec lui, tu as accompli al-wikala, ou ce qu'on appelle al-tawkil. Comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué dans Thalathat al-Usul. Et c'est également ce qu'a expliqué notre cher Salim Bamahriz dans Thalathat al-Usul. Donc, al-wikala, le fait de déléguer quelqu'un, il dit yani hiya ja'alu l'insan na'iban mufawwidan anhu fima yakhussuh. C'est le fait de déléguer quelqu'un afin qu'il prenne notre place dans une chose qui nous est spécifique. C'est-à-dire, مثلاً, parmi les exemples que les ulémas mentionnent, le fait qu'il t'ait permis de déléguer quelqu'un pour conclure une affaire à ta place. Par exemple, tu as une voiture à vendre, مثلاً. Et la vente, tu dois aller rencontrer l'acheteur. L'acheteur, toi tu es le vendeur, tu possèdes la voiture, mais ça se passe dans les horaires de ton travail. Il te dit, je ne suis pas disponible si ce n'est le jeudi matin. Le jeudi matin, tu travailles, tu es au travail, tu ne peux pas t'en occuper. Donc tu confies à ton petit frère. Ton petit frère, tu lui dis, voilà les clés, voilà les papiers, carte grise, etc. Tout ça, je te délègue afin que tu conclues la vente en mon nom. Et tu fais tous les papiers nécessaires. Ça, c'est le week-end. C'est le fait de déléguer quelqu'un afin qu'il se charge d'une tâche pour toi qui t'est spécifique, par rapport à quelque chose qui te concerne. Il prend ta place dans une affaire. Autre circonstance, un autre exemple. Dans le cas du mariage, quelqu'un peut conclure un mariage pour toi. C'est-à-dire qu'en gros, il te représente. Si par exemple, مثلا, tu veux te marier avec une femme qui est au Maroc, مثلا, et tu as eu un impératif qui t'a obligé de revenir à Montpellier. Et pendant la période-là, tu peux pas venir ni te marier toi-même et tout à la date qui était convenue avec la belle famille, etc. Quelqu'un peut te représenter sur place avec ton accord, une mise au point commune, tu le délègues afin qu'il te représente auprès de la belle famille pour conclure l'acte de mariage. Il peut le faire en ton nom. Donc c'est al-wikal. Ça, c'est un autre exemple. Donc ensuite, wastilahan, dans le contexte religieux. Dans le contexte religieux, quand on parle de tawakkul, comme on l'a dit, dans le contexte religieux, tawakkul, c'est al-Allah. Tayyib, al-Allah faqat. Il dit c'est i'timadul qalbi ala Allah, c'est le fait que le cœur s'en remette complètement à Allah. Tu comptes sur Allah et tu t'en remets complètement à lui. Il dit fil jalb an-naf', dans le fait que tu places ta confiance en Allah et tu t'en remettes complètement à Allah dans le fait d'obtenir du bien. Wa daf' ad-darr, et dans le fait d'être préservé ou que un mal soit repoussé de toi. Tu t'en remets à Allah complètement. Wa tawakkul, et ça c'est un point important sur lequel beaucoup de gens ont des ambiguïtés, ont des mauvaises compréhensions. Il dit « وَالتَّوَكُلْ لَا يُنَافِ الْأَسْبَابَ الْمَشْرُوعَ » C'est-à-dire que le fait de placer sa confiance en Allah, ceci ne contredit pas le fait de prendre les moyens qui sont conformes à la législation. Je donne un exemple. Justement, il y a des gens, des fois, quand il s'agit de l'argent ou des choses comme ça, il va te dire « تَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ » et il ne fait pas les causes. Il dit « Si tu veux de l'argent, l'argent, il vient de qui ? Il vient d'Allah. C'est du risque. » Mais tu vas chercher du travail. Tu vas chercher à travailler. Si tu veux des enfants, tu vas faire comment? Tu vas attendre chez toi et tu vas dire, je place ma confiance en Allah pour qu'Allah m'accorde des enfants. Qui accorde des enfants? C'est Allah. Mais comment on fait des enfants? Comment on les obtient de la part d'Allah? En faisant les causes, en cherchant une femme, cherchant à se marier, en se mariant, et ensuite en faisant ce qu'on fait avec une femme pour obtenir des enfants. Tu fais les causes. Et c'est pareil, il y a des gens, des fois, ils disent, il y en a une par rapport à la hidayah, il dit qu'Allah me guide. Il est tout sauf dans les mosquées. Il n'est jamais dans les mosquées, il n'est jamais dans les cours religieux, il ne fait jamais les causes pour qu'Allah lui accorde sa guidance. Il ne pose pas de questions sur le dîn, il est dans le péché, dans le haram, englouti. Et il dit, je place ma confiance en Allah, Allah il va me guider. Là, il y a des causes. Il faut faire les causes pour obtenir cela de la part d'Allah Azzawajal. Après, Allah guide qui il veut, comme il le veut, Azzawajal. Et par le moyen qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc, il dit, je donne un exemple aussi. Ça, c'est un point important. Qu'un des ulémas a mentionné dans son explication de Kitab Tawhid. Parmi les ulémas de Médine, un des ulémas avait mentionné un sujet dans Kitab Tawhid concernant, par exemple, le fait de prendre des asbab, notamment dans les médicaments. Parce que ça, c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup de shirkiyat, il y a beaucoup de polythéisme qui survient. Il y a trois points à respecter lorsque l'on tombe malade et qu'on veut prendre un médicament. Le premier point à respecter, c'est que Allah, tu es comme croyance que Allah est Ash-Shafi. C'est-à-dire qu'Allah est celui qui octroie la guérison. Excusez-moi. C'est le fait qu'Allah est celui qui octroie la guérison. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Anta Shafi, la shifa'a illa shifa'uk. Al-Hadith. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es celui qui accorde la guérison, nulle guérison si ce n'est que celle que tu octroies. La première chose, c'est que tu dois avoir une bonne croyance que Allah est celui qui donne la guérison. Ensuite, concernant le remède. Tu places ta confiance en Allah concernant le fait d'obtenir la guérison. Taïb. Maintenant, le deuxième point, c'est concernant le remède. Le remède doit être d'une de ces deux catégories. Il doit être soit un remède qui est mansous, soit c'est un remède qui est établi dans les textes. Par exemple, quels sont les remèdes qui sont dans les textes? Al-Asab, le miel. Le miel, Allah en a parlé dans le Coran, Allah en a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans sa sunna. Ou Habbatu Sauda, elle est mansousa fi sunnati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, excuse-moi, la habba sauda, la graine de nigel, elle est mentionnée dans les textes comme étant une chose qui guérit de tout sauf de la mort. Taïb. Deuxième catégorie de remèdes que tu as le droit d'utiliser, c'est des remèdes qui sont connus, non pas par les textes, mais par l'expérience. C'est-à-dire que, bitta c'est-à-dire que ça a été prouvé scientifiquement que c'est bel et bien un remède correct, qui est patent, comme l'aspirine. L'aspirine, ça a fait ses preuves. Il n'y a aucun problème à prendre de l'aspirine quand tu as mal à la tête. Tu places ta confiance en Allah et tu as comme croyance que c'est Allah qui donne la guérison et que le mal de tête qui t'afflige, un des remèdes qui existe, qui n'est pas basé dans les textes mais qui est prouvé par la science, par l'expérience, c'est l'aspirine. Tu prends l'aspirine en plaçant ta confiance en Allah et en espérant d'Allah que ce remède sera une cause de guérison de ton mal de tête. Maintenant. Et où je veux en venir? C'est parce que des fois, justement, Cheikh Ubayd al-Jabiri a dit al-asbab al-mashru'a, les asbab qui sont conformes à la sharia. Pourquoi? Parce que si tu prends des causes, tu mets dans ton cœur la considération qu'une chose est une cause alors qu'il n'y a pas de dalil par l'expérience ou par les textes, c'est du shirk. C'est du shirk asrar. Comme par exemple ceux qui portent des bracelets de cuivre. Vous avez sûrement vu ça sur internet, des gens qui portent des bracelets de cuivre pour le bien-être ou la guérison, etc. C'est du shirk. C'est du shirk. Parce que ça, ce n'est ni basé sur les textes, ni basé sur l'expérience. Et quand tu mets dans ton cœur la croyance comme quoi c'est une cause bi'idhnillah, si tu crois que c'est une cause indépendante de la volonté d'Allah, qui agit indépendamment de la volonté d'Allah, c'est du shirk akbar. Si tu penses que tu as une croyance comme quoi c'est une cause bi'idhnillah, mais tu n'as aucune légitimité, c'est-à-dire tu n'as pas un texte du Coran ou de la sunna, ou tu n'as pas une accréditation scientifique qui prouve que cette chose-là est bel et bien un remède, tu places en fait ta croyance concernant le fait que ça c'est un remède alors qu'il n'y a rien qui prouve ça. C'est du shirk asrar, c'est du shirk mineur, c'est un grand péché. Donc les trois points concernant la maladie et le remède, le premier point, le fait de croire qu'Allah est le guérisseur et nul n'octroie la guérison si ce n'est lui. Deuxièmement, que tu prennes les causes par le fait de prendre un médicament qui est établi dans les textes ou qui est établi de par l'expérience, c'est-à-dire qui a fait ses preuves. Troisièmement, la foi dans le destin. Pourquoi la foi dans le destin? Parce que le fait que que cette maladie-là qui t'affecte, que tu prennes ce remède qui est établi par les textes ou par l'expérience, le fait que ça va fonctionner et que tu vas être amené à guérir de par cette cause, c'est quelque chose qu'Allah a prédestiné. Il y a des gens, des fois, il y a deux personnes, elles ont tous les deux le cancer ou tous les deux, elles ont une même maladie, on leur donne le même médicament, la même posologie, c'est-à-dire la même prescription. Il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui vit. Qadarullahu wa ma sha fa'al. Il y en a un, c'était prédestiné qu'il vive. Il y en a un, c'était prédestiné qu'il décède de cette maladie. Tayyib. Donc le premier point, c'est le fait de croire qu'Allah est celui qui guérit. Deuxièmement, prendre les causes conformes à la sharia. Troisièmement, le fait qu'on croit dans le destin. Car les causes que tu mets en place, le fait qu'elles te permettent d'obtenir, de parvenir à ton objectif et à sa concrétisation, c'est quelque chose qui est prédestiné par Allah Azza wa Jal. Donc je reviens au propos de Cheikh Ubayd al-Jabali et je reviens un petit peu en arrière pour qu'on retrouve le fil et qu'on ne le perde pas. Donc il dit « Istilahan al-tawakkul » dans le contexte religieux. Il dit « I'atimadul qalbi ala Allah » le fait que le cœur s'en remette complètement à Allah. « Fil jab al-naf'a » dans le fait d'obtenir un bien. « Wa daf'i dar » et dans le fait de repousser quelque chose qui est une nuisance ou un méfait, quelque chose qui est mauvais pour nous. « Wa tawakkul » « La yunafil asbab al-mashru'a » Ceci, le tawakkul, ne contrevient pas au fait de prendre les moyens qui sont conformes à la législation. Mais plutôt, même ça va en concordance avec le tawakkul. Comme notre cher Salim Bamahriz nous a enseigné dans Thalathat al-Usul, il avait expliqué at-tawakkul, sidqul i'timad ala Allah ma'a badlil asbab. C'est-à-dire le fait de s'en remettre complètement à Allah Azza wa Jalla, mais tout en mettant les moyens en place, c'est-à-dire en prenant les causes. وقد ثبت صحة الأخذ بالأسباب مع التوكل. Et donc il a été authentiquement rapporté dans les textes le fait que yani ceci est une pratique valide qui est de fait de prendre les moyens nécessaires tout en plaçant sa confiance en Allah. ومن ذلكم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين كان يتخذ الأسباب مع توكله على الله. Il dit, et donc un exemple de cela pour vous, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui était le leader de ceux qui placent leur confiance en Allah azza wa jalla, mais malgré tout, avec cette confiance qu'il plaçait en son Seigneur azza wa jalla, il prenait les causes, il utilisait les moyens yani nécessaires. Puis un peu plus loin, le shir dit wa qad amara Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala al-ibad bi sa'i bi talab al-kasb. Donc le fait qu'Allah azza wa jalla a ordonné à ses serviteurs du fait de faire les causes pour gagner leur vie, c'est-à-dire gagner sa subsistance, gagner sa vie, travailler. Car le musulman n'est pas quelqu'un qui est oisif. Le musulman est quelqu'un qui est actif dans sa religion et dans sa dunya. Il construit, il contribue, il n'est pas passif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la quémande et le don de l'aumône avait dit dans un hadith, la main qui donne est supérieure à celle qui demande. Le musulman à la base ne doit pas demander aux autres, ne doit pas demander faire la mendicité. Sauf si ceci est nécessaire, c'est-à-dire qu'on est contraint à avoir recours à la mendicité. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui s'enrichissent, il y a des gens, ils gagnent, non seulement ils n'ont plus besoin de la mendicité, mais ils s'enrichissent par la mendicité. Des fois, celui qui lui donne, il est plus pauvre que celui qui lui mendie, subhanallah. Tellement la personne abuse de la mendicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une personne qui agit de la sorte, c'est-à-dire qui s'enrichit par la mendicité, il se peut qu'il continue à faire cela jusqu'à ce qu'il arrive yawm al-qiyamah, il n'a plus de chair sur son visage. Comme châtiment et rétribution du fait d'avoir mendié sans être dans la nécessité. Donc, Allah Azza wa Jalla a ordonné à ses serviteurs de faire les causes pour gagner leur subsistance et pour travailler, et obtenir leur pain quotidien, dans de multiples versets de son livre, dans le Coran al-Karim. Minha, parmi ces passages du Coran, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. C'est-à-dire que donc il est celui qui vous a établi la terre, yani ذلولا. Et il a dit, famshu fi manakibiha, c'est-à-dire parcourez-en ces étendues. Et ça, c'est le verset de Surat Al-Mulk, le verset 15, dont le sens approximatif vous a été transmis. Et qu'est-ce qui est voulu, famshu fi manakibiha, c'est-à-dire parcourez ces étendues, parcourez l'étendue de la terre. Qu'est-ce qui est voulu par ça? Le tourisme? Aller juste regarder la terre? Là, Cheikh Sa'di, dans son tafsir du verset, a dit, li talabi rizq wal makasib. Cheikh Sa'di, le grand savant du tafsir, avait dit, c'était dans le fait d'obtenir sa subsistance et de gagner sa vie. Il dit, وَقَالَ Donc, Cheikh Ubayd al-Jabri a mentionné un hadith maintenant. Un hadith qui est un hadith azim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'image de comment doit être le musulman. Il dit, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيِّرُ تَرُدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. C'est-à-dire que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous placiez votre confiance en Allah de la manière qui sied, c'est-à-dire de la véritable confiance, alors il vous octroierait votre subsistance à la manière dont il l'octroie aux oiseaux, qui sortent le matin le ventre vide et qui reviennent le soir le ventre plein. Il dit, wal ma'ruf 'inda al-'uqala. Et donc, Cheikh Obed Adjebel, il dit ce qui est connu chez auprès des gens qui sont doués de raison, qui sont rationnels, أن الطيور لا تمكث في أوكارها أو أعشاشها. C'est-à-dire que donc, le fait qu'on, ce qui est connu des oiseaux, c'est que les oiseaux, ils ne restent pas dans leur nid, ils ne restent pas, il y en a cloîtrés dans leur nid, dans leur domicile. Il dit بل تخرج منها في الصباح جائعة. Donc, on sait que les oiseaux, ils sortent le matin de leur nid, ils quittent leur lieu d'habitation le matin alors qu'ils sont affamés. تضرب يمينا وشمالا تفتش يعني عن قوتها. Et les oiseaux, ils vont de droite à gauche, etc., cherchant de quoi se nourrir. Il dit وتعود وقد ملأت حواسلها. Et donc, et quand ils reviennent à leur foyer, dans leur nid, ils sont revenus et leurs ventres sont pleins. C'est-à-dire qu'ils ont rempli leur ventre avec tout ce qu'ils ont pu consommer durant la journée. Il dit فهذا حث منه. Donc, dans ce hadith, il y a un encouragement, une incitation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la سعي في طلب الرزق. Une incitation et un encouragement quant au fait de faire les causes et d'aller vers le fait de chercher à obtenir sa subsistance. لِأَنَّهُ ضَرَبَ مَثَلًا فِي الطَّيْرِ. Car il a donné une image en donnant une métaphore avec l'image de l'oiseau. وَقَدْ عَرَفْنَا حَالَتَهَا يَعْنِي قَبْلَ قَلِيلٍ. Et on a abordé quelle était leur manière d'agir dans ce sujet-là. Il y a de cela, il y en a quelques lignes. Ensuite, il dit Al-Ayatul Karima, concernant le noble verset, Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, et c'est en Allah en qui vous devez placer votre confiance si véritablement vous êtes du nombre des croyants, le verset 23 de Surat Al-Ma'ida. Il dit Hadhihi al-aya ja'at fi akhir al-hiwar alladhi qassahu Allah subhanahu wa ta'ala 'an Musa wa qawmihi. Il dit ce verset-là, dans lequel Allah dit, selon le sens du verset en français, et c'est Allah en qui vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Ce verset-là a été mentionné à la fin d'un passage dans lequel Allah rapporte la discussion qu'il y a eu entre Moussa et son peuple. Moussa, le prophète Moussa, alayhi salatu wa salam. Il dit, فَقَالَ الْقَوْمُ Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. مَاذَا قَالَ لَهُمْ مُوسَى Que leur a dit Moussa? قَالَ يَا قَوْمُ اُدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Donc lorsque Moussa s'est adressé à son peuple, comme Allah le rapporte, il s'est adressé à eux, comme Allah le rapporte dans le Coran selon le sens du verset, ô mon peuple, rentrez dans la terre de Muqaddasa, c'est-à-dire la terre sainte, yani en l'occurrence, Baytul Maqdis. Naam, allati katab Allahu lakum, qu'Allah vous a prescrite. Faqala al-qawmu lah, qu'est-ce que le peuple de Moussa a rétorqué, a dit en réponse. Inna fiha qawman jabbarin, il y a des gens d'une force extraordinaire dedans. C'est-à-dire qu'ils redoutaient les gens qui vivaient dans cette cité. Akhir ma qalu, et donc à la fin de leur réponse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Donc le peuple de Moussa lui a dit, va toi ainsi que ton seigneur et allez tous deux combattre. Nous sommes ici, nous allons rester assis à attendre. Wal ma'na la yumkin an nadhhaba. Donc le sens de leur propos, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa en fait en réponse? Il dit la yumkin an nadhhaba, c'est pas possible que l'on parte. Wa kayfa ta'muruna an nadkhulaha wa fiha man fiha min al-jabbarin. Et comment tu peux te permettre de nous ordonner d'y rentrer alors que s'y trouve ce qui s'y trouve comme yani être humain doté d'une force extraordinaire. Il dit idhhab, donc ils ont dit idhhab anta wa rabbuka faqatila, yani donc allez combattre toi et ton seigneur. Wa hadha raddun fi ghayat al-jalafa wa su' al-adab. Et il dit cette réponse-là, de la part du peuple de Moussa, à l'injonction de Moussa, alayhi salatu wa salam, c'est le paroxysme de la rudesse, c'est le summum de la rudesse et du manque de comportement. Il dit فَأَنْبَرَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُقَلَى الْأَكْيَاسِ. Donc ils se sont distingués alors deux hommes, parmi les gens doués de raison, parmi les gens qui étaient des gens dotés d'intelligence. Allah rapporte cela, dans Surat Al-Ma'idah, le verset 23. قال رجلان, donc deux hommes ont pris la parole, من الذين يخافون, parmi ceux qui craignaient Allah, qui avaient peur d'Allah, أنعم الله عليهم, et à qui Allah avait accordé, il y a ces deux hommes, de ses grâces et de ses bienfaits, ادخلوا عليهم الباب, عليهم الباب, فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Ils ont répondu au peuple de Bani Israël, il y en a le peuple de Moussa, lorsqu'ils ont refusé de se rendre, ils leur ont dit « Rentrez dans cette cité par la porte, et lorsque vous rentrerez, vous serez alors ceux qui auront l'ascendant, c'est-à-dire ceux qui auront la domination sur vos adversaires. » وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et c'est là la partie du verset qui a été mentionnée dans le texte. Et c'est en Allah en qui vous devez placer votre confiance si vous êtes véritablement croyant. Et donc le sens de ce verset, c'est qu'ils leur ont dit prenez le moyen. Prenez, yani, suivez le moyen, yani, utilisez les moyens qui vous permettront de concrétiser ce but. Entrez par la porte, entrez auprès d'eux par leur porte de la cité. Alayhim kama amarakum nabiyukum, comme votre prophète vous l'a ordonné. Yuqal inna ahadahuma Yusha ibn Nun. Et sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dit que l'un d'entre eux était un des prophètes d'Allah azzawajal, Yusha ibn Nun, qui était un des deux hommes concernés par cet événement. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri commente en disant Anzuru ila al-aql. Regardez cette rationalité. Qala, donc ils ont dit Udkhulu kama amarakum nabiyukum. Ils ont dit un propos qui a pour sens rentrez dans la ville comme vous l'a ordonné votre prophète. Wa tawakkalu ala Allah. Et placez votre confiance en Allah. Ma'a dhalika if'alu sabab. Et avec tout en joignant yani cette croyance que vous avez en Allah, le fait de placer votre confiance en lui, yani prenez le moyen. Utilisez les moyens qui vous permettront de concrétiser votre objectif. Ma amartum bihi, yani accomplissez ce qu'il vous a ordonné de faire. Ma attawakkuli ala Allah, tout en plaçant votre confiance en Allah azza wa jalla. Elle dit hadhihi al-aya dit biha tadhkiran lana. Donc yani ce verset là, il vient avec en même temps un rappel pour nous. Il y a dans cela un rappel pour nous. Na'am, fa fiha bil idafati ila al-amr bi tawakkul wa annahu shartun fil iman. Yani, en plus du fait qu'il y a dans ce verset-là l'ordre du fait de placer notre confiance en Allah et que c'est une condition de validité de la foi du musulman, comme il est dit, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, donc en Allah vous devez placer votre confiance, إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, il y a également التَّحْذِيرُ مِنْ سُلُوكِ مَسْلَكِ الْمُكَذِّبِينَ مِثْلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَ مُوسَى. Et donc il y a dans ce verset-là, en plus de cela, le fait de nous avertir contre le fait de prendre la voie qu'ont entrepris certains membres de Bani Israël dans leur manière d'interagir avec Moussa, dans leur rejet et leur démenti qu'ils ont eu vis-à-vis de Moussa. Kama fi siyaq tasliya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu laysa bid'an min al-mursalin alladhina rudda qawluhum. Il y a dans ce verset-là une consolation vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car en fait, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le seul avoir des gens qui sont récalcitrants quant à son appel parmi les gens à qui il s'adresse. C'est-à-dire que tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé des gens qui ont rejeté son appel, rejeté sa parole, il y a eu avant lui des prophètes dont le peuple a rejeté sa parole, comme ce qui s'est passé avec Moussa et certains membres de leur peuple. Donc il dit wa al-ayatul ukhra, et l'autre verset wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Donc et quant à celui qui place quiconque viendra à placer sa confiance en Allah, alors il fahuwa hasbu, c'est-à-dire qu'il est celui qui est son garant et lui suffisant comme garant. Wa'adallah lil mutawakkil 'alayhi bi annahu hasbu ay kafiyuhu. C'est-à-dire yani Allah azza wa jalla a promis que toute personne qui placera sa confiance en lui azza wa jalla, alors il lui serait suffisant, c'est-à-dire qu'il serait son garant. Il serait suffisant en tant que garant pour lui. Tayyib. On va continuer encore quelques minutes, 5 minutes inshallah. Et on va s'arrêter là, on va commencer avec Ad-Dalil al-Rahba wal-Rahba wal-Khushu' et on s'arrête là. Donc l'auteur a abordé donc une autre adoration, trois autres adorations qui sont des adorations importantes. Al-Rahba, al-Rahba c'est, on avait dit, c'est le désir. Le désir, et on va comprendre ce qui est voulu par ça. Al-Rahba, donc avec la lettre Ha, c'est l'effroi, la frayeur. Et Al-Khushu' c'est l'humilité. Il dit Ad-Dalil al-Rahba والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Le verset 90 de sourate Al-Anbiya. Donc dans ce verset là Allah Azza wa Jalla décrit les prophètes en disant إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Première caractéristique, c'est qu'ils étaient des gens, les prophètes alayhi salatu wasalam, qui étaient des gens qui étaient yani qui s'empressaient, qui accouraient vers le fait de faire les bonnes œuvres. ويدعوننا, et qui nous invoquaient, raghaban, avec désir, wa rahaba, et avec effroi, avec frayeur, wa kanu lana khashi'in, et qui se tenait devant nous avec humilité. Il dit wa rahbatu wa rahba mutaqabilan. Donc le désir et l'effroi, ce sont deux éléments antagonistes, c'est-à-dire qui sont opposés. Donc il dit wa farahbatu at-tama' wa ad-dara'. Donc ça renvoie à rarba, ça renvoie le désir, ça renvoie à la convoitise vis-à-vis d'une chose et le fait de faire preuve d'humilité vis-à-vis de quelque chose, par rapport à quelque chose. Wa rahba al-khawf. Et rahba, la frayeur, c'est une forme de peur. Il dit wal khushu' wal khudu' lillahi azza wa jalla. Et le khushu', l'humilité, c'est le fait de se rabaisser pour Allah azza wa jalla. Il dit hadhihi al-aya mimma athna Allah athna bihi Allah ala khassatihi. Donc Allah azza wa jalla dans ce verset-là a fait les éloges de ceux qui sont l'élite, c'est-à-dire parmi les serviteurs d'Allah les plus rapprochés d'Allah azza wa jalla. L'élite de l'humanité. Il dit wa hum al-anbiya, ce sont les prophètes alayhim as-salatu wa salam. وصفهم الله عز وجل في هذه الآية بعدة صفات تأملوها. Donc Allah les a décrits par différents attributs, différentes caractéristiques qu'ils ont, par lesquelles ils se sont distingués, et donc soyez attentifs et méditez les concernant. التأمل, comme un de mes professeurs lorsque j'étudiais l'arabe en Égypte me disait, التأمل النظر بدقة, c'est-à-dire le fait de porter un regard attentif, minutieux sur quelque chose. Il dit donc la première de ces caractéristiques. Il dit « al-musara'atu fil khayrat », l'empressement dans le fait de faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire toujours être prompt, diligent, faire, toujours être prompt à faire de bonnes œuvres. Il dit « wa thaniya yad'ounana rahaban wa rahaba », il nous invoquait avec désir et frayeur. Il dit « yajma'ouna bayna rahbati wa rahba », il joignait entre le fait d'avoir du désir et de la frayeur. Quand on dit le désir, qu'est-ce qui est voulu? Le désir, c'est-à-dire le fait de désirer la récompense d'Allah. Désirer sa miséricorde. Quand ils adorent Allah, ils espèrent, ils désirent de la part d'Allah, al-Jannah, par exemple. Désirer qu'Allah te pardonne. Désirer qu'Allah te fasse miséricorde. Désirer qu'Allah t'accorde les meilleures récompenses dans le paradis. Qu'Allah m'accorde d'entrer au paradis ainsi qu'à vous. Donc, c'est-à-dire adorer Allah avec désir de ce qu'Allah possède comme récompense et avec frayeur de ce qu'Allah a comme châtiment. Car le châtiment d'Allah est terrible. Allah nous a avertis contre lui. Allah nous a avertis contre lui, c'est-à-dire contre son châtiment. Azza wa Jal. Et il a dit dans le Coran al-Karim, qu'il est shadid ul-iqab, qu'il est très dur en châtiment. Allah est celui qui a créé l'être humain, et il sait comment faire souffrir un être humain. Wal-a'yadu billah, qu'Allah nous préserve de son châtiment. Donc, yajma'ouna bayna rahbati wa rahba. Donc, ils joignent dans leur adoration entre le désir et l'effroi. Hakada, kullama azuma al-imanu fi qalbi al-abd, azuma fi qalbihi rahba wa rahba. Et ainsi de ce fait, à chaque fois que la foi grandit dans le cœur d'un serviteur, son désir et sa frayeur vis-à-vis d'Allah, par rapport à Allah, augmentent. Donc comme j'ai dit, c'est le désir vis-à-vis d'Allah de par ce qu'il possède, ni comme récompense et comme miséricorde, et ainsi de suite. Il dit « وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا » C'est-à-dire, « et invoquez-le avec peur et convoitise. » C'est-à-dire avec espérance de ce que Allah possède. Wa sifatul akhira, et la dernière de ces caractéristiques par lesquelles Allah a caractérisé ses prophètes, il y en a mentionné comme caractéristique des prophètes, il dit wa kanu lana khashi'in. Ils se tenaient devant nous avec humilité. Ils étaient humbles devant nous. Il dit hadhihi sifatu awliya'illah. Donc ces caractéristiques qui ont été mentionnées, ce sont les caractéristiques des awliya. Qu'est-ce que c'est les awliya? Ce sont les pieux serviteurs d'Allah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a défini en utilisant le Coran qu'est-ce que c'est le wali. Le mot awliya, c'est le pluriel du wali. Le wali, c'est, comme Ibn Taymiyyah l'a mentionné, kullu mu'minin taqi, tout croyant qui craint Allah. Et il a utilisé le verset dans lequel Allah a fait le tafsir lui-même du verset, du terme awliya. Allah, azza wa jalla, dans le Coran a dit que les awliya d'Allah, la khawfun alayhim, les pieux alliés d'Allah, nulle peur sur eux, wa la hum yahzanun, ils ne seront point attristés. Qui sont-ils? On explique le Coran par le Coran. Dans la suite du verset, Allah a dit Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, et qui ont été pieux. Et at-taqwa, c'est faire le ma'murat wa tarku al-mahdhurat, faire ce qu'Allah t'a ordonné et délaisser ce qu'Allah t'a interdit. Donc toute personne qui croit en Allah et qui fait ce qu'Allah lui ordonne et qui délaisse ce qu'Allah lui interdit, c'est un wali. Et comme Cheikh al-Fawzan l'a expliqué dans son explication de Aqidat al-Tahawiyyah, les awliya ont des degrés. C'est-à-dire que ton lien avec Allah est plus ou moins fort. Donc tous ne sont pas au même rang parmi les awliya d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit, ce sont les caractéristiques, les attributs que possèdent les awliya d'Allah. Fi dhikri sifati awliya, et donc dans la mention des caractéristiques qu'ont les pieux serviteurs d'Allah, il y a amrun bit ta'assi bihim. Ça c'est quelque chose de subtil. Le fait qu'Allah nous rapporte, comment sont les prophètes, comment sont les élites de l'humanité, est-ce que c'est juste pour qu'on sache qu'ils étaient comme ça? Là, fi dhalika, fi dhikri sifati awliya, dans la mention des caractéristiques qu'avaient les pieux serviteurs d'Allah, amrun bi ta'assibihim, c'est un ordre à notre attention du fait que nous, on doit les prendre comme modèle. Allah te rapporte comment étaient les prophètes, c'est pour que juste que tu saches que les prophètes, ils étaient comme ça? Non, c'est pour que toi, tu fasses aussi en sorte que tu sois comme eux, tu les imites. Il dit kama anna fi dhikri sifat al-fujjar, tout comme également dans la mention des caractéristiques des gens qui sont des dévoyés, wal usa, yani des gens qui sont des désobéissants, tahdhirun wa nahyun an at-tashabbuh bihim. Il y a dans la mention qu'Allah a faite dans le Coran des attributs des dévoyés, des gens qui sont déviants, des gens qui sont des grands pécheurs, le fait qu'Allah les décrive dans leurs caractéristiques, c'est également en cela, il y a un avertissement et une interdiction du fait d'être comme eux, de les imiter. وَهَذَا مِنَ الْأَسَلِيبِ الْبَدِيعَ Ça fait partie des méthodologies hors du commun, il y en a excellentes, qui sont des méthodologies splendides. ذِكْرُ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَ فِيهِ عَمْرٌ بِفِعْلِهَا وَالتَّأَسِي بِأَهْلِهَا Donc la mention des caractéristiques, des comportements qui sont louables, il y en a dedans, dans cette mention-là, il y a l'ordre du fait de les concrétiser, c'est-à-dire ces caractéristiques louables, et du fait de prendre comme modèle ces gens qui ont été décrits comme étant des gens qui sont dotés de ces nobles comportements. وَذِكْرُ صِفَاتِ الْقَبِيحَ Et la mention des caractéristiques immondes, laides, qui sont ignobles, qui ne conviennent pas à l'être humain d'avoir. فِيهَا النَّهْيُن Il y en a dans la mention de ces attributs qui sont des attributs mauvais, ces comportements mauvais, il y a en cela l'interdiction du fait de les accomplir. Nahyun an fi'liha wa tahdhirun min ahliha. Il y a en cela l'interdiction du fait d'agir de la sorte et du fait d'un avertissement du fait à l'encontre de ceux qui ont ces caractéristiques-là. Taïb, Inch'Allah, on abordera dans le cours de la semaine prochaine, Inch'Allah, yani wa dalil al-khashya. Qu'est-ce que c'est le khashya? Sachant que, barakallahu fikum, vous avez entendu parler de la peur, al-khawf. Vous avez entendu parler de al-rahba, l'effroi ou la frayeur. Et la semaine prochaine, on va parler de ce qu'on appelle al-khashya, qui est la crainte. Les trois sont des formes de peur. Les trois sont les formes de peur. Mais lorsqu'on abordera al-khashya, incha'Allahu ta'ala, on verra le tafsil. Quelle est la différence? Les trois sont des formes de peur. Elles sont en commun, elles ont une connotation commune. Mais elles ont des éléments distinctifs. On le verra dans la semaine prochaine. Et on se donne rendez-vous bi-idhnillah pour l'assise de mercredi, dans laquelle on évoluera dans Amdatul Fiqh d'Ibn Qudama al-Maqdisi avec les explications de Cheikh Ubayd al-Jabiri. Hava wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.